Vaut mieux manger la vie que de survivre la vie. Donc mangez la vie avec moi. El Presidente Doux Saga. Le président Saga t'attrape fort le magnifique. Celui bien sûr qui a créé la Saga Cité. Il faut respecter les gens qui ont vécu. Très très fort, c'est pas petit à faire. C'est pas petit l'homme. Il faut respecter les gens qui ont connu la vie. Sur les gadis. C'est la Saga Cité. Coupé tes calais, planer plus chinois. Hey. On va faire le show. C'est la Saga Cité. Coupé tes calais, planer plus chinois. Hey. On va faire le show. C'est la Saga Cité. Coupé tes calais, planer plus chinois. Hey. On va faire le show. DJ Willis, Papa Nassara, très très fort, le magnifique, c'est moi. Papa Laurent, Vecchio Dilling. Il a fait la Saga Cité, tout le monde a coupé. A décalé, a coupé, a décalé, a coupé. On a coupé en plané, partout à Bijan, Papa Manager, oh oh oh. Tout le monde, on va Saga Cité, Saga Cité, Saga Cité, Saga Cité, Saga Cité. Équilibré, équilibré, équilibré, équilibré. Mister Acadie de la FPI, Punta Madé. Thierry Kofi de Caillou à Panama. Rachel 74, toujours très forte Rachel 74. Où sont passés papa ministre, papa sauveur et Frank de Kenzo. On va Saga Cité, coupé, coupé, coupé, coupé, coupé, coupé, coupé, coupé, coupé, coupé, coupé, coupé, coupé, coupé, coupé, coupé, coupé, coupé, coupé, coupé, coupé, coupé, coupé, coupé, coupé, coupé, coupé, coupé, coupé, coupé, coupé, coupé, coupé, coupé, coupé, coupé, coupé, coupé, Renversement, chacune allume nos cigayoyo. Président Manaja Lora Oula. Et ben botina, botina, botina, botina. Crequete, ratatakatum, crequete, ratatakum. Arakuta, kuta, kuta, kuta, kuta, kuta, kuta, kuta, kuta, kuta, kuta, kuta, kuta, kuta, kuta, kuta, kuta, kuta, kuta, kuta, kuta, kuta, kuta, kuta, kuta, Allez ma cible, équilibré, équilibré, équilibré, économique, économique, économique, économique, fais le malin à outrance, tout le monde est décalé, décollé, décalé, décollé. Allez décalé, coupé chinois. Chamboulé, El Chamboulé. Les Wachonken, El Nikilichon. Les Wachonken, El Nikilichon. Les Wachonken, Missa Belen Davila. Décalé bon, décollé bon, décollé bon, décollé bon, décollé bon, décollé bon. C'est lui bien sûr qui a créé la Saga Cité. Reviens pour la proclamation. C'est la Saga Cité. C'est pas petit à faire. Décalé, planer, planer, planer. On va faire le la sagacité, coupé décalé, plané plus chinois. Papa ministre, papa fait le show. C'est la sagacité, coupé décalé, plané plus chinois. On va faire le show. Le grand Benedicto, le plané plus chinois. Kenzo Stéphane, on va faire le show. C'est la sagacité, coupé décalé, plané plus chinois. On va faire le show. C'est la sagacité, coupé décalé, plané plus chinois. On va faire le show. Chakoulé, Chakoulé Babems. Stéphane Doucouré, solo, on revient encore sur la planète. Tous les gars, guettez-moi un, soit. Elle est dedans, elle est tuina. Dedans, Charlie Petit Cafard, Domus Versace, Yannick Demi-Dieu, Jordas, Magie de Ben.